Qu'est-ce que tu vas prendre, Julie ? Je pense que je vais prendre la salade au poulet. Et toi, Marie ? Ah, pas de viande pour moi. Je suis végétarienne. Je pense que je vais prendre la salade de tomates. Mais j'espère qu'il n'y a pas d'oignons. Je n'aime pas ça. Et vous voulez une boisson ? Oui, une petite bouteille d'eau, s'il vous plaît.